Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoire Grand Est, Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on revient sur le mois de mai qui est le mois du muguet, de la fête du travail, mais aussi et surtout le mois de l'Europe. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écouteraient, j'espère que la rentrée s'est bien passée. Première actualité dans cette émission, le renouvellement de la labellisation Europe Direct. Nathalie, peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui Yves, hein, depuis le 1er mai, le centre d'information Europe Direct de Colombey-les-Belles a été de nouveau labellisé pour la période 2021-2025. Nous sommes donc très heureux de pouvoir continuer ce travail de proximité avec les citoyens et citoyennes. Et c'est une super nouvelle, nous pouvons enchaîner donc sur une deuxième activité qui est un peu plus une de vos spécialités, le mois de l'Europe. Ah oui, tous les ans, au mois de mai, hein, le Conseil Régional Grand Est et les 4 centres d'information Europe Direct régionaux organisent le Mois de l'Europe. C'est une campagne qui fédère des manifestations et des événements en lien avec les thématiques européennes en vue de promouvoir les valeurs européennes et de valoriser l'impact de l'Europe dans le quotidien des citoyens. Et quel est l'objectif de ce Mois de l'Europe ? Alors l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les citoyens et surtout les jeunes aux valeurs européennes et donc de leur donner la possibilité de découvrir et de mieux comprendre l'Union européenne et aussi nos pays voisins. Les formats sont divers et variés et permettent de parler d'Europe de différentes manières. Comment s'articule ce mois de l'Europe ? Qu'est-ce qui est proposé ? Alors le mois de l'Europe s'articule autour de deux grands volets. D'une part la participation à des événements et d'autre part l'organisation d'événements. Pour commencer, peut-être que tu peux nous parler de ce qui est proposé pour les établissements scolaires. Alors oui, bien sûr, hein, pour les lycées, nous proposons par exemple un escape game qui se fait en présentiel avec des tablettes. Donc le format est simple, 45 minutes pour résoudre les énigmes et trouver le code à 4 chiffres. Les élèves sont répartis par équipe et devront réaliser des défis, comme par exemple des textes à trous ou des puzzles. Et à la fin, les 4 équipes auront 10 minutes pour mettre en commun les mots qu'ils ont trouvés et ainsi trouver le code final. Eh bien, ça a l'air super, c'est interactif et surtout, c'est une autre manière de découvrir l'Europe. Europe Direct propose autre chose pour les lycéens ? Oui, hein, nous proposons des webinaires, des rencontres avec des députés européens. C'est-à-dire que les lycées auront la possibilité de rencontrer un député sur une des thématiques de leur choix, hein, qui vont de l'écologie en passant par les droits humains et la démocratie, par exemple. Pour les lycées et les professeurs qui seraient intéressés, n'hésitez pas à nous solliciter durant tout le mois de mai. Et pour les collégiens, quoi de beau de prévu ? Alors pour les collégiens, nous avons un kit, hein, de tout ce que nous pouvons organiser. Ce sont surtout des interventions en présentiel, notamment avec des jeux ludiques. Et par ailleurs, en l'honneur de l'année européenne du rail, nous avons développé des sets de table avec des jeux. Donc n'hésitez pas à nous les commander gratuitement, hein, d'ici au 3 mai. On a prolongé jusqu'au 6 en complétant un formulaire présent sur nos réseaux sociaux et sur les sites internet. Vous pouvez aussi l'imprimer vous-même en téléchargeant le fichier qui est sur notre site. Les centres d'information Europe Direct proposent différents types d'actions en ligne aussi, hein, n'est-ce pas ? Nous organisons sur les réseaux sociaux un concours Instagram avec de nombreux lots à gagner, donc par exemple un pass Interrail, un vélo ou un panier européen qui a été lancé le 1er mai et pour tout le mois de mai, donc n'hésitez pas à participer. Hein. Et par ailleurs, nous avons aussi une programmation quotidienne spéciale Mois de l'Europe sur les réseaux sociaux, au programme des jeux de l'information, des exemples de projets locaux cofinancés par l'Union européenne, mais aussi des témoignages et des vidéos sur l'Europe. Ici, un format, un jour, un thème. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur nos sites respectifs, ainsi que sur la page Facebook en Grand Est. Et à Nancy, alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on avait déjà parlé de l'exposition sur les légendes européennes. Donc, elle a été créée en partenariat avec l'association JE Lorraine, Jeunes Européens Lorraine, et Erasmus Student Network de Nancy, qui est exposée. Donc, cette exposition, elle est exposée depuis le 4 mai à la médiathèque Haut du Lièvre et au Crous Léopold. Cette exposition se veut itinérante et sera aussi visible dans plusieurs bibliothèques universitaires de la ville, ainsi qu'à Metz. Donc, n'hésitez pas à aller la voir et à y amener des amis. Par ailleurs, le 9 mai, donc dimanche, tout au long de la journée, la ville de Nancy organise des événements en partenariat avec des structures associatives et le programme complet est disponible sur le site de la ville. Et en dehors de la participation à des événements, les centres d'information Europe Direct accompagnent aussi les structures qui aimeraient organiser des événements. C'est ça exactement, hein. Les associations, les collectivités locales, les établissements d'enseignement et scolaires peuvent aussi proposer et organiser chaque année une multitude d'actions dans le cadre du Mois de l'Europe. Et pour ceux qui manqueraient peut-être d'idées, pouvez-vous les aiguiller ? Oui, hein, les exemples de manifestations sont nombreux. un repas européen, un café linguistique, une exposition sur le thème de l'Europe. Dû aux restrictions sanitaires, les événements que nous vous conseillons en temps normal doivent être adaptés aux règles de vos établissements. Mais vous pouvez pareil vous rendre sur la page de la région Grand Est dédiée au mois de l'Europe et ainsi intégrer vos événements aussi à l'agenda. Que proposent les centres Europe Direct comme type de soutien ? Alors je le rappelle, hein, on est 4 centres d'information Europe Direct, donc un à Nancy, Christelle, nous à Colombey-les-Belles, un à Strasbourg et un à Reims, donc sur toute la région Grand Est, et on est partenaire de la région, et on vous propose un catalogue de 16 idées actions pour organiser vos propres événements européens. Et il existe 3 grands types de soutien, on va dire, à l'organisation de votre action. On peut vous outiller par une mise à disposition d'expositions, par exemple, on a des jeux, des supports pédagogiques, des documents et autres outils promotionnels, donc n'hésitez pas, par exemple, à nous les commander. Ensuite, on peut vous accompagner via des temps d'échange, des rencontres et des conseils au montage de projets. Et puis, en dernier lieu, on peut aussi co-organiser avec vous l'événement que vous voulez organiser et vous aider dans l'animation de votre action. Et c'est superbe, ça va sûrement motiver les structures à organiser, elles aussi, des événements. Nathalie, peux-tu nous rappeler où on peut trouver tout ce matériel et ces informations ? Alors, vous pouvez retrouver les fiches qui décrivent toutes les actions que nous menons, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, sur notre site Europe Direct Territoire et sur nos réseaux sociaux Europe Direct Citoyen Territoire, maintenant Europe Direct Territoire Lorrain. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à europedirect@citoyenterritoire.fr. On marque une pause dans votre émission Europe On Air. Dans quelques instants, on va parler du prix Luxe. Pour l'instant, musique avec Isaac Delusion et The Sinner. What is wrong, baby? Just a lion when comes the night. Retour dans Europe On Air sur Fadjet, présenté par le Centre Europe Direct de Colombey-les-Belles. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler du prix Luxe, un prix cinéma décerné par le Parlement européen. Oui, hein, vous vouliez voir Drunk à sa sortie au cinéma en octobre, mais vous n'avez pas eu le temps. Les cinémas étant toujours fermés, le Parlement européen a souhaité offrir la possibilité de visionner gratuitement les films qui sont en compétition pour la première édition du prix Luxe du public en 2021. Le prix Luxe, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une distinction cinématographique qui est décernée par le Parlement européen tous les ans. Et il aide à promouvoir le cinéma européen et à rendre les films accessibles à un public plus large. Actuellement, 3 films sont en compétition. Et ensuite ? Et ensuite, le public et les députés européens ont jusqu'au 23 mai pour visionner les films et voter. Cette offre en ligne sur la plateforme est disponible quand ? Alors cette offre est disponible du 3 au 23 mai, donc vous avez encore 3 semaines pour visionner ces 3 films sur la plateforme Festival Scope et tout est évidemment gratuit. Et quels sont les 3 films en compétition ? Alors les 3 films en compétition sont Drunk de Thomas Vinterberg, L'affaire collective d'Alexandre Nanot et La communion de Jean Comassa. Et concrètement, comment il faut faire ? Alors pour se connecter, c'est très simple, vous vous rendez sur la plateforme Festival Scope, vous créez un compte et vous pouvez visionner les 3 films, donc les films de votre choix. Quelles sont les modalités de sélection et comment faire pour voter ? Alors si vous avez vu un des 3 films ou les 3 films, vous pouvez aller voter, rien de plus simple, vous vous rendez sur la plateforme luxaward.eu et vous attribuez une note au film que vous avez regardé grâce à un système de notation qui est simple, 1 étoile pour un film médiocre, 5 pour un excellent film. Les votes se clôturent donc le 23 mai. Il faut savoir que 50% des notes sont attribuées par le public, 50% par les députés. Et à noter que certains participants choisis au hasard recevront eux aussi une récompense et ils auront la chance d'assister à la cérémonie de remise du prix Luxe du public qui se tiendra le 9 juin au Parlement européen à Strasbourg ou à la prochaine cérémonie des European Film Awards en décembre 2021. N'hésitez donc plus et à défaut d'aller bientôt au cinéma, dans TP1 le 19 mai, et bien regardez ces films chez vous. Merci beaucoup Nathalie. Merci Yves. Europe On Air, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cette émission est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Europe Direct, Territoire Lorrain. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site www.fadjet.net.